Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé de métro, il sera exactement lundi, heure avancée de l'Internet. En manchette cette semaine, un ovale c'est bien, mais ça manque de tarte. Une cabine de psychologie, une autre réponse louche du grand David, pour le retour du super quiz désynchronisé et inversé, et on se fait prendre en photo par une toune. Voici maintenant votre animateur, le gars qui est plus légendaire que son ombre. Et honnêtement, quand on y pense, on trouve que c'est quand même assez facile d'être plus légendaire que son ombre. Parce que tu sais, un ombre, c'est quand même pas si hot que ça. Et j'ai nommé David! Bonjour à tous et bienvenue pour la 7e édition des Podcasquettes. Nous sommes le 10 mars, parce que là, je pense qu'il faut vraiment mettre quelque chose au clair. Tu sais, les Podcasquettes, là... Je sais pas si, qu'est-ce que vous vous imaginez, là, mais faut pas se faire de faux semblants, c'est tout enregistré la même date. C'est par trio, là, par trilogie, parce que nous autres on fait plein de trilogies partout. Mais regarde, on aime ça, les trilogies. Puis là, dans le fond, le 7, le 8 et le 9 vont être enregistrés tout à la même place, puis là, on est juste tanné, genre, de se tromper puis de dire tantôt, la semaine passée, puis tout se mélanger dans nos dates, parce que dans le fond, on est pas si timé que ça, genre on fait toujours tout, on sort toujours nos podcasts en retard, donc on règle ça, tout le monde c'est le 10 mars. C'est mieux que le 6 mars, parce que 6 mars ça se prononce tellement mal. Mais par exemple, mais moi j'ai un truc pour me rappeler, puis je sais que, je pense qu'il y a un an dans nos podcasts, j'ai dit exactement la même chose, j'ai un truc pour me rappeler de cette date-là, c'est juste à dire « sauf 6 mars ». C'est sûrement pas un an qui l'a dit. Ah, parce que c'est pas un an qui est sorti. Non, tu sais, on en a déjà parlé, fait qu'on en reparlera pas. Ça a certainement rien à voir avec le film. Sur de dans une galaxie près de chez vous. Non. Deux. Enfin, maintenant qu'on a passé trop de temps à parler de choses inutiles, aussi bien passer à une chronique qui l'est juste un petit peu moins, c'est-à-dire le présent et l'avenir avec la brigade SNW. Hey! Là, on est là, nous autres aussi. Oh shit! Ben, j'ai oublié de vous présenter, hein. C'est important. Ok, ben, avec moi se trouve Oli. Ouais, je viens de le dire. Et le Narf. Je vous salue, David, pleine de grâce. Pleine de grâce. C'est pas moi qui l'a dit! Hein, non. Bon, fait que... fait que je sais pas, donc je vais reprendre... Donc! C'est un beau mot, ça, hein. Donc? On l'utilise souvent. Mais on en a déjà parlé. Il y a Janine, justement. Écoutez le spécial live Janine, vous allez comprendre pourquoi le mais ça, on va pas mettre ça. Fait que... Ah ouais, d'où? Donc, pour passer à un segment qui est juste un peu plus important que tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le présent et l'avenir avec la brigade SNW, Oli, tu parlais dans l'intro d'un novel de tarte. Tu sais, ça me donne faim, mais je vois absolument pas le lien entre ces deux éléments-là. Je sais pas, genre, c'est-tu encore parce qu'on sait que la Terre, c'est ovale, pis que tu dois encore nous parler de ton cours d'Apocalypse 101. Non, c'est pas ovale. Ouais, en forme de mouton. Non, c'est géoïde. Mais moi, j'ai pas appris ça, fait que je pense que c'est un ovale, mais ça, tu vas encore nous parler de ton cours d'Apocalypse 101? Non. Non? Je vous ai fait assez peur avec ma colonne de plasma, je pense. Ah, non, ouais! Fait que, on reviendra pas là-dessus. Non, rond pis ovale, c'est juste parce que, là, ça on est le... des cauchemars. Là, on est le 10 mars. Donc, vous nous écoutez probablement aux alentours de comme... Le 16, 17, je pense. 16, 17 dans ce bout-là. Non, mais le prochain, c'est le 16. Ce qui veut dire que pour vous, c'est passé. Mais le 14 mars, c'est, slash, ça sera, le jour de Pi. Si vous nous écoutez depuis mais comme pourquoi, toujours. Oui. Si vous nous écoutez depuis longtemps, on en a parlé l'année passée. Parce que le 14 mars, c'est le 14-3. Mais c'est-tu l'inverse? Ouais, c'est-tu l'inverse? C'était le 3 du 14, donc le 3,14. 9265359. T'as rajouté un point que par rapport. 3.14159265359. Voilà. C'est comme un numéro de téléphone de pi, ça. Et Narf me dit que j'ai pas de vie parce que je joue des mineurs, mais lui, il apprend les décimales depuis par cœur. Je les ai appris en faisant mon sérieusement loin, pis je les ai juste jamais oubliés. C'est beau. Donc, en fait, zéro octet de mémoire. La dernière fois, on avait parlé comme pendant une demi-heure de trucs ronds. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait de tarte au début, ouais. Parce que c'est rond, pis pie. Oh! Parce qu'on l'avait dit il y a un an que, je pense que c'est les Américains qui... les geeks, hein, qui font des tartes jour de pie parce que ça fait pie, pis ouais. Parce que c'est rond. Oh! Je pense que Je pense que j'ai mangé une tarte cette journée-là. Mais on devrait peut-être tous penser à quelque chose de rond en ce moment, pis comme juste le dire à nos auditeurs. Oui! Et comme j'ai dit en art, c'est pas si intéressant que ça de nommer des trucs ronds, mais on va le faire. Je sais pas. Bon, on n'a pas d'idée. Mais, on n'a pas d'idée. Mais j'ai quelque chose à dire. Appelez-nous pour nous dire des idées de trucs ronds, ben, hot. Un truc rond, ça peut être un zéro, et justement, une citation de Nietzsche. C'est ovale. Hein? C'est ovale. Mais ovale, il y a pi là-dedans pour calculer un truc d'un ovale. C'est pi, mais avec une déformation. T'as pas suivi des cours de géométrie? Oui, pis y'a pas de pi derrière les ovales. Ben oui. Ben oui. C'est un zéro. On avait pas dit qu'on se chicanait pas, là. Non. On se chicane pas, on s'ostine. Ah oui, qu'est-ce que tu... On avait pas dit qu'on s'ostinait pas. Bon, j'ai pas la citation exacte, là, mais il me semble que Nietzsche lui a dit quelque chose du genre, pour vous sentir important, il faut s'entourer. Il faut pas s'entourer, mais il faut être suivi par des zéros. Genre, wow. Comme être président d'entreprise, derrière toi, il y a des sous-employés qui sont des zéros. Puis c'est comme... Il me semble que Nietzsche avait dit quelque chose de même. Mais c'est peut-être pas Nietzsche non plus. Hein. C'est drôle que tu parles de ça. Genre des citations un peu... ou des pensées bizarres. Mais je sais pas, j'ai été voir une pièce de théâtre la semaine passée qui regroupait un peu le même principe avec... comme une machine, genre, qui venait des... Est-ce qu'il y avait cette citation-là dans la pièce de théâtre? Non, je sais pas, mais je sais que t'as été la voir, pis que c'est comme le sujet de ta chronique. Oui, il y avait cette citation-là dans la pièce de théâtre, Mais ça, je sais que t'as été voir la même, c'est le psychomaton, pis tu vas nous en parler un peu plus en détail. Ouais, ben, la semaine passée, justement, j'étais allé voir la pièce, le psychomaton, pis bon, ça a l'air... J'ai appris par la suite que t'étais allé la voir avant ça. Mais quand est-ce que t'as été la voir? La dernière représentation. C'est-à-dire? C'était dimanche passé. Et okay, moi, c'est sûr, okay, fait que j'ai été la voir avant, quoi. Ouais, ben c'est sûr, je suis allé voir la dernière. Ben, j'aurais peut-être été voir la dernière, mais je le savais pas. Ah, hein? Mais donc, pour le bénéfice de Oli, qui l'a pas vu, je vais en parler un peu. Ça, c'est une pièce, c'est l'histoire, en gros, d'une fille un peu idéaliste qui vise un monde un peu utopiste, je pense. Et, tu sais, elle voulait tout le temps, tu sais, elle sortait toujours comme exemple les petits papiers, là, qu'on fait des chaînes des bonhommes, puis on déplie ça, puis ça fait une chaîne d'amour, là. Mais elle voulait faire sa grande chaîne d'amour. Puis là, elle trouvait que tout le monde était trop individualiste. Fait qu'elle a eu l'idée d'une machine, qui plus tard, elle a appelé le psychomaton, ce qui est l'équivalent du photomaton, c'est-à-dire les machines à photos. Comme dans les poulains. Comme dans les poulains. Et puis ça serait une machine que tu rentres là-dedans, mais au lieu de te faire prendre en photo, c'est que la machine, elle t'écoute, puis elle peut te donner un conseil. Mais elle donne pas vraiment un conseil, en fait, elle fait juste te donner une pensée du jour. Mais en même temps, la pensée est quand même assez liée. Mais parce que pas tout le temps. Parce qu'on peut faire comme dans le fond un lien entre plusieurs... Parce que la boîte avait l'air quand même d'un confessionnal. Ah ouais, évidemment. Puis ça peut ressembler aussi à un biscuit chinois. Un biscuit chinois, oh! Parce qu'il y a des pensées. Ouais. Ben oui. Quelque chose de fermé avec un... jardin botanique aussi, il y en a des pensées. Oui, mais... Ouais, c'est pas... des fleurs, mais il y a pas un petit papier qui sort. Parce que justement, la personne, oh, elle a 5 minutes pour raconter, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a raconté. Puis au bout de 5 minutes, c'est... Votre temps est écoulé. Puis là, ça fait... Puis là, il y a un papier qui sort. Puis là, vous, quand même. Pour être big, il faut être suivi de zéro. Nietzsche. Ouais. Là, je vous vends pas un punch parce que vous pouvez plus aller la voir de toute façon. D'ailleurs, c'est un peu proche qu'on en parle. Ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est le décor. Le décor de la pièce était... c'était comme un espèce de... Ça se passait comme un espèce de quartier défavorisé, donc un peu... Pas quand même pas bidonville, là, mais... Ben non, mais ça se passait à Québec. Ça se passe à quelque chose. Là, il en parle 15 000 fois dans la pièce. Bon. Même le décor, il y a comme, tu vois que la haute et la basse ville. Wow. Et comme il y avait des immeubles en haut, puis il y avait comme des petits immeubles plus gros en bas, puis il y avait comme une montagne. Ouh. Puis arrête pas d'en parler, ils sont dans la basse ville. Ah bon, j'avais pas caché ça. Moi, ce que j'ai aimé, par exemple, par rapport au décor, c'est toute l'évolution de la machine. C'est ça. Ouais, bon. Ben, c'est ça. C'est que la machine, on la voit se faire construire devant nos yeux au fur et à mesure que la pièce avance. Donc, au début, ça part de des morceaux défoncés, puis il arrache comme des morceaux du décor pour construire la machine au fur et à mesure que ça avance. Mais évidemment, on arrache des morceaux du décor. Oui, oui. Mm-hmm. Ils utilisent comme le comptoir d'une place, puis le bungalow, mais une espèce de la partie, puis une porte, puis la tôle, genre, c'est cool. Puis les caméras qu'on avait vues avant, puis ça, ils récupèrent des morceaux comme ça. D'accord. Puis donc évidemment, s'il avait suivi un ordre chronologique, on aurait eu des confessions de gens dans la machine juste à la fin. Mais l'idée de mise en scène qui ont eu d'intéressante, c'est que justement c'était tout, il y en avait tout de suite au début. Évidemment, il y avait pas de machine. Qu'on pêchait dans rien. Genre dans du noir avec un spotlight sur eux. C'est ça. C'était l'éclairage faisait en sorte que le personnage était complètement isolé, puis qu'on comprenait quand même par l'audio, donc qui était au dans le stomaton. Ben, la voix de la madame qui parlait. Il vous reste 5 minutes. Puis le papier qui sort, puis tout ça, c'était, on comprenait tout de suite que c'était la machine qui venait d'être, je veux dire, quand la pièce s'appelle le psychomaton, tu doutes un peu. D'avance de qu'est-ce que ça va parler. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur cette pièce-là. Je vous aurais bien recommandé d'aller la voir, mais c'est un peu... Ben, il va sûrement avoir une autre manière de la voir. Moi, ce que j'ai entendu... être mis en scène. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait la groupe d'étudiants de Marie-Victorin qui la reprenait, et je pense bien que c'est quelque chose comme en avril prochain qu'ils vont la faire. Mais ça... J'ai vu ça sur Facebook. Ouais, j'ai vu ça sur Facebook. J'ai cherché Psychomaton dans Facebook parce qu'il y avait peut-être une page. Je suis tombé sur la page justement de la troupe de théâtre de, je pense bien que c'était Marie-Victorin. Fait que s'il est là-dedans, vous devriez être capable de la trouver. Sinon, je sais pas si la pièce fait une tournée. Ben peut-être, hein, dans le fond. Rond. Tournée rond, jour de pif. Fait que je sais pas, d'ici là, on pourrait peut-être se divertir avec quelque chose d'un peu plus actuel et maintenant et drôle, c'est-à-dire le quiz interactif et désynchronisé et inversé et plein d'autres affaires du grand David. J'aime ça, David, quand tu fais un lien entre deux sections du podcast, celle qui vient de passer a toujours la même place. C'est toujours de mieux en mieux. C'est un peu vrai. Si ça se trouve, on va finir par un rave. Encore? C'est toujours des raves. Ah, peut-être pas. Bon. Fait que, ben, comme à l'accoutumée, le grand David nous a envoyé plein de réponses. Là, il nous en reste plus beaucoup, même qu'on pensait qu'il nous en restait plus. Anyway. Fait que là. Ouais. Dans le fond, on a, qu'est-ce que je disais? Qu'il nous a envoyé plein de réponses. Ah oui, ça, il nous envoie plein de réponses, puis nous, le principe, c'est qu'on trouve des questions à ses réponses. Ses réponses sont toujours de la louche. Nos questions, on essaye de pas donner raison à ces réponses-là. Puis finalement, on se trompe toujours parce qu'il faut toujours une manière de faire. En tout cas, vous comprenez le principe. Ouais, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on le fait. Ouais. Bon, fait que la réponse cette semaine, c'est un genre de truc collant, un peu liquide, jaunâtre. Là, on se dit, mais mon Dieu, quel genre de réponse pourrait nous donner cette question-là? Genre, ça ressemble à quoi? Du jus de corne de licorne? Ben, un genre de truc collant, un peu liquide, jaunâtre. Ouais. Sûr. Moi, je vais aller me chercher un verre de jus. Tu veux-tu quelque chose à boire? Un genre de truc collant, un peu liquide, jaunâtre. Yash! Quand même. Qu'est-ce qui sort d'un long tuyau qui a une forme phallique? Un genre de truc collant, un peu liquide, jaunâtre. Ah, pas rapport. Je parlais d'un bazooka. Ah, t'es bien poche, grand David. Ok, come on. Oui! J'avais pas d'idée! Quand David, je parlais d'un bazooka, je suis désolé, là. Je veux dire, si tu penses tout le temps croche, on donne la solution. Okay, mais là, oui. Et qu'est-ce que le grand David avait comme question? Le grand David avait comme question, comment décrirais-tu des patates pilées dans lesquelles on a mis trop de lait? Ben, un genre de truc collant, un peu liquide, jaunâtre. Ouais. Ouais. Ben, surtout ceux que c'est comme des patates pilées déshydratées, qu'il faut qu'ils mettent du lait dedans, ah, ça donne comme des patates pilées. Des patates quand tu mets trop de lait, c'est comme une soupe aux flocons de patates. Ah, yeah. Ben, finalement, si on a mis trop de lait, c'est rendu liquide. Donc, on peut le boire. Donc, j'avais raison. Ah! Genre. Fait que là, dans le fond. Oui. Veux-tu aller me chercher quelque chose à boire? Ouais. Mais là, on va passer au vote. Genre, parce que, ben, je trouvais quand même que toutes nos réponses, Ouais, moi, j'ai une question, était quand même pas super cool. Je vote blanc. Je vote bleu. Moi, je vote pour Oli. Wouh! J'ai gagné! C'est lui qui a gagné. Bon. C'est 1-0. Bon. Donc, ben, pour terminer, j'imagine qu'on peut terminer ça en beauté, là, mettre un petit peu de musique sur nos propos pour songer à toutes ces questions qu'on se pose. Ben, effectivement, je pense, j'ai choisi une bonne tune pour ça, parce que... pas en tout, finalement. Je me suis mélangé avec la toune du prochain. Donc, pour celui-là, c'est checké bien le lien. Tantôt, j'ai parlé du psychomaton, ok? Bon, ça, c'est évidemment une transformation de photomaton. Et où est-ce qu'il y avait beaucoup de photomaton? Dans Amélie Poulain. Fait que j'ai choisi une toune d'Amélie Poulain. Oh, c'est quasiment lié au sujet. C'est la toune Aké, comme le quai, là. Oh, voyons, ça c'est quoi? Aké, comme à l'abordage. À ne pas se mélanger avec une solution aqueuse. Ouais, c'est ça. Surtout si elle est un peu liquide, genre. Ou ben non, le site internet Aké, ça non plus, c'est pas se mélanger avec ça. Donc, la toune Aké de Yann Tiersen, j'espère que je le prononce comme nom. Bon, j'aurais pu choisir n'importe quelle de Amélie Poulain, j'en ai choisi une qui est pas la plus connue qu'on entend tout le temps à radio. Parce que, moi, j'aime bien celle-là parce que ça me fait penser à du Philip Glass. Donc, de la musique répétitive qui fait des boucles qui se répètent tout le temps. C'est comme, en fait, c'est comme quatre notes qui louent, qui font des mondes descendants. Comme si tu faisais jouer la tune du métro à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'infini. En tout cas, écoutez la toune, puis vous allez être capable de reconnaître ça. Puis essayez de voir les répétitions, parce que c'est bon. Et donc, pour terminer, n'oubliez pas que la Brigade SNW, on fait d'autres choses que des podcasts. Vous pouvez toujours suivre qu'est-ce qu'on fait sur notre Facebook, notre Twitter, le blog de la Brigade. Donc juste... On parle pas du Twitter tout de suite, j'en parle la semaine prochaine. Tantôt. Okay, fait que juste dans le fond taper Brigade SNW sur Google puis prendre le premier lien, ça va sûrement être quelque chose à nous. Il y en a 3 pages de liens, j'ai vérifié l'autre fois, c'est vraiment hot. Donc puis c'est ça là, ou si vous avez des commentaires, des suggestions, des menaces à faire par rapport au podcast, il y a toujours encore. Si vous vous appelez Yann Tiersen puis que j'ai mal prononcé votre nom, il y a toujours la solution du email de la Brigade, brigade.snw@gmail.com ou le répondeur de Brigade 514-90-PIRATE. Et là, on va écouter la suite. We'll be right back. haïku de la semaine. Piano trop perçant. Pipo comme psychomaton. Pierrette adore Pi.